envoyé pour torturer des rimes. J'ai aiguisé mes canines. Je prépare de textes sensuels pour demain seulement pour qu'elle me canine. Ça fait des nuits que je ne dors plus, que ma plume à la rage et qu'elle sort les crocs. Depuis que mon fils est pendu, le marchand de sable est un escroc. 4 mesures à peine et je commence à sentir ton cœur qui s'emballe. Et sans blague, attends mon rap qui arrive, ça va être semblable. On est venu pour faire un massacre, je suis comme un pilote de F1. Appelle-moi Ellie, autrement dit Felipe Massa. Je vais passer le message, on se donne de moi pour le projet. Comme à l'usine, dans ma musique, ça débite depuis que j'ai mis mon saut dans un usine. C'est pas dans mes intentions, mais je fais te bousiller le crâne. Mes punchlines pèsent des tonnes, donc t'étonnes pas que je t'écrase. Acharné, je débarque même avec des arbres dans les jambes. Crève mes rouges, continuerai d'avancer sur les jantes. Pour mes vannes, je fume pas de hache, mais je chante. Ma plus fâchée, je sens que mes feuilles en bas sur le champ. On prend la parole pour représenter du sud au nord. On rappe pour ceux qui veulent nous voir morts et ceux qui nous honorent. 89 et 13 sur la même plaque. On vit ceux qui prenaient au départ nos textes pour une belle blague. On prend la parole pour représenter du sud au nord. On rappe pour ceux qui veulent nous voir morts et ceux qui nous honorent. 89 et 13 sur la même plaque. On vit ceux qui prenaient au départ nos textes pour une belle blague. J'ai pas attendu Molière pour manier la langue. Alors va leur dire que mon rap a ses habitués à son stand. J'suis pas le track habituel de ta playlist, mais celui que tu rôdes en bousillant l'écriture de mon disque. 4 albums et pas un seul dans les bacs. Tant pis, s'il le faut j'irai le foutre moi-même à la Fnac. Le pire rappeur de la campagne, garde-le pour ta sœur. Mon album éclectique t'a fait le même effet qu'un taser. J'ai pris un aller simple pour la réussite. Bizarre que depuis que j'rappe ta cote est en déficit. Tu dis que t'es dans la course, que t'as un gros bolide. J'vois nulle part dans le règlement qu'il faut aller plus vite que la musique. Trachenino, c'est 6 étoiles sur un même maillot. On te met en appétit comme tu l'es devant un ketchup mayo. Marseillais sans se sont renforcés. Depuis qu'on t'a donné la feuille de match, tu veux déclarer forfait. On prend la parole pour représenter du sud au nord. On rappe pour ceux qui veulent nous voir morts et ceux qui nous honorent. 89 et 13 sur la même plaque. On vit ceux qui